Parmi la fumée et le vin vieux des noirs saillés, naissent les rêves par milliers. Là que d'Hoffmann je fus aimé. Elle est sur scène, un peuple l'acclame, le divin Mozart prête à ses accents ce foyer menteur, cette ardente flamme qui d'Hoffmann jadis embrasa l'essence. Je veux qu'il répudie un amour qui m'outrage et m'appartienne tout entier. Vous, flacons et tonneaux, secondez mon ouvrage. Votre ivresse fait oublier. Le conseiller Lindor, parbleu! Tu ne connais pas le conseiller Lindor? Non. Ainsi